Bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Moussa, 22 ans, qui est étudiant et qui réside à Paris. Bonjour Moussa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben, ça va très bien parce que c'est un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Tu es étudiant dans quel domaine? Je suis étudiant en CESF, conseiller en économie sociale et familiale à l'IRTS de Montrouge. En quoi ça consiste exactement? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Conseil en économie sociale et familiale, c'est un travailleur social et il est plus spécialisé dans tout ce qui est accompagnement budgétaire, tout ce qui est faire les dettes, accompagner des personnes en difficulté dans des structures. Ça peut être soit la CAF, soit dans un CHRS, soit dans un CHU, etc. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut qualifier les CESF, comme tu dis, de travailleurs sociaux? Oui, c'est des travailleurs sociaux, oui. Ah, d'accord, c'est intéressant, on ne connaît pas vraiment, on connaît plus les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, on en a eu beaucoup d'ailleurs dans le podcast, mais là on découvre avec toi, merci. Oui, de rien, ben, y a... Et comment t'es venue cette vocation? Est-ce que c'est une vocation d'ailleurs? Non, ce n'était pas vraiment une vocation parce que moi j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un bac STEDD, sciences technologies de l'ingénieur et du développement durable. Après, j'ai fait une classe préparatoire. Et juste après, je ne me suis pas vraiment trouvé en prépa. Du coup, j'ai commencé à envisager une réorientation. Et comme j'avais un ami qui était hébergé avec sa famille dans un CHRS. Qu'est-ce qu'un CHRS? Un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. D'accord. C'est-à-dire ils hébergent des personnes qui n'ont pas de lieu d'habitat. Mmh. Et ils les accompagnent au quotidien pour essayer de régulariser un peu leur situation. Et du coup, mon ami et sa famille, ils étaient hébergés dans un CHRS. Et moi, comme de temps en temps, j'allais voir mon ami et parler un peu avec lui. Et c'est là que j'ai rencontré des travailleurs sociaux, j'ai échangé avec eux. Et c'est de là est né mon envie de faire du social. Je me suis inscrit sans forcément savoir ce que c'était le CESF. Je me suis inscrit en CESF et jusqu'à aujourd'hui, ça me plaît. Je suis en troisième année. C'est ma dernière année de licence là et ça me plaît. Waouh, c'est un beau parcours et c'est intéressant de voir comment peut naître le désir d'aller sur une voie ou une autre. Merci pour ça. Et du coup, est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous concerne cette voie que tu as empruntée ou pas du tout? Non, pas du tout. Ce bonheur-là, ça n'a rien à voir avec cette voix. Enfin, j'avais déjà le bonheur que je vais vous partager, mais ce n'est pas du tout ça. Alors, j'ai hâte de t'entendre. En fait, mon bonheur à moi, c'est ma rencontre avec ma future femme, Alicia. Enfin, Alice, moi je l'appelle Alicia, mais elle s'appelle Alice. Et depuis que je l'ai rencontrée, elle a changé ma vie complètement parce que, en fait, même les sortir avec mes amis, je les voyais, ils étaient avec leurs copines, avec leur petite amie. Et moi, j'étais là, je tenais un peu la chandelle. Mais depuis que j'ai rencontré Alicia, pour moi, tout a changé. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Je suis devenu une nouvelle personne. Waouh! Alors attends, je vais me faire un peu curieuse. Tu l'as rencontré il y a combien de temps? Je l'ai rencontré il y a 6 ans, mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Vous étiez d'abord amis? Oui. Ah, peut-être que tu fais partie de ceux qui pourront témoigner. Est-ce que c'est important d'être ami dans un couple, du coup? Oui. C'est très important d'être ami dans un couple. Parce que moi, Alicia et moi, j'aurais jamais imaginé qu'on se serait mis ensemble, mais ça s'est fait naturellement parce qu'on se voyait pratiquement tout le temps, on rigolait, on se parlait chaque soir sur Snap, sur Instagram. Et finalement, un jour, je me suis rendu compte que c'est plus qu'une amie pour moi. Et je lui ai déclaré ma flamme. Et elle aussi, heureusement, elle ressentait un peu la même chose, mais... Elle n'arrivait pas à le dire, mais comme moi je l'ai dit, c'est de là que tout a commencé. Est-ce que pour toi c'était une évidence de lui dire ou bien tu avais vraiment peur? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le pas, de dire bon, parce que ça pouvait mettre votre amitié en danger. Exactement, ben, j'avais peur déjà de la perdre et j'avais peur aussi qu'elle réagisse mal si je lui dis que c'est pas vraiment le cas pour elle. Elle risquerait de le prendre mal et déjà je perdrais une amie, j'aurais pas ce que je voulais et la perdre pour moi c'était pas quelque chose que je pouvais envisager en ce moment. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas, puisqu'il y avait toutes ces appréhensions? Je me suis dit que, enfin, même si je la perds, je sais ce que je ressens pour elle et ça faisait 2 ans qu'on se connaît et il fallait que je lui dise les choses. Il faut pas que je lui cache les choses, il faut que je lui dise vraiment parce que si je continue comme ça, je risque de me faire mal à moi ou de lui faire mal à elle aussi. Donc tu étais face à deux risques, finalement, soit perdre une amie, Oui. soit perdre l'amour de ta vie. Oui, exactement. C'était ça. Tu as choisi l'amour. J'ai choisi l'amour et aujourd'hui je le regrette pas et ça se passe très très bien avec Alicia. Waouh! Et tu as parlé d'une autre chose, tu as dit que depuis que tu étais en relation amoureuse du coup avec elle, quoique dans ce que tu dis, j'ai l'impression que ça avait commencé dans votre relation amicale, tu es devenu quelqu'un d'autre. Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu étais à une période de ta vie où tu te cherchais, ou bien au contraire, non, pas du tout, mais elle t'a fait découvrir un autre toi. En fait, elle m'a fait découvrir un autre moi parce que moi, j'étais déjà quelqu'un qui j'aimais pas trop parler aux meufs ou aux femmes. Et Alicia, en fait, je l'ai rencontrée par le biais d'une amie. Et j'étais quelqu'un de très isolé. J'aimais pas trop parler parce que pour moi, j'ai cherché encore la bonne personne. Et pour moi, enfin. Mais Alicia, dès que je l'ai rencontrée, j'ai su directement que enfin, c'était elle et elle m'a vraiment changé. Enfin, elle m'a vraiment changé. En tout cas, je ne t'ai pas connue avant, mais je vois que lorsque tu parles d'elle, tu t'animes, tu t'illumines. J'espère qu'elle écoutera cette interview, bien que je ne doute pas que certainement tu lui dis de telles choses, mais c'est tellement beau comme histoire et ça donne envie d'aimer et être aimé de t'écouter, vraiment. Oui, ok. Moi aussi, ça me fait plaisir de partager ça. Ben, je te remercie en tout cas parce que tu nous montres que l'une des pistes du bonheur, c'est d'être aimé et aimer l'autre. Mais est-ce que du coup, pour toi, quelqu'un doit te compléter ou bien ça porte juste, ou on est déjà complet et ça porte quelque chose en plus? Je pense qu'on n'est jamais complet, enfin on n'est jamais complet, mais toute seule on n'est jamais complet. On est complet à deux, à trois, à quatre. Mais moi, par exemple, enfin, quand j'ai rencontré Alicia, moi en tout cas, j'étais en situation régulière sur le territoire. Et des fois j'avais pas, des fois j'avais pas d'argent, des fois avec mon père, c'était autre chose. Et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Déjà en tant qu'ami, elle m'a vraiment beaucoup aidé et je pense que c'est de là que je me suis rendu compte, ah, il faut vraiment que. Enfin, j'ai commencé à sentir quelque chose pour elle et depuis que je lui ai raconté ça, elle m'a beaucoup aidé en tout cas quand j'étais dans une situation en situation irrégulière que d'autres l'ont pas fait et je suis très reconnaissant pour ça et c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment elle avec qui je pensais ma vie jusqu'à la fin, quoi. Enfin, Ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est que c'est quelqu'un finalement qui t'a pris comme tu étais. Exactement. Pas par intérêt ni rien, mais juste pour qui exactement. tu es. C'est ça, c'est ça. Waouh! C'est très très beau ton histoire. Je te remercie en tout cas de l'avoir partagée avec nous. Mais de rien. Je suis sûre qu'elle inspirera grand monde, à commencer par moi, donc merci encore. Et bah, écoute, que te souhaiter sinon de continuer d'être heureux encore et encore chaque jour avec elle, de vous renouveler chaque jour, de faire comme si chaque jour était le premier. À ce qui paraît, c'est l'un des secrets du bonheur en couple. Ouais, Hein. exactement. Et je vous souhaite vraiment de beaux projets ensemble et de continuer de vous aimer, de vous découvrir chaque jour. Et surtout, si tu as une autre histoire à nous conter, tu reviens, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau. Ok, merci beaucoup à toi et c'était un plaisir aussi de vous raconter cette histoire, de te raconter cette histoire. Je t'en prie. Eh ben, écoute, je te dis à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.